se faire juger aux Nations Unies et être membre de cette organisation. Être membre des Nations Unies est de la mécréance, car avoir ce statut signifie accepter de se faire juger par cette organisation et de se soumettre à ses lois. On trouve dans la Charte des Nations Unies, page 2, le texte suivant. Et à ces fins, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre, dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social à tous les peuples. Ce texte comporte, sans le moindre doute, l'annulation du djihad, qui a pour but de faire sortir les gens de l'adoration des gens vers l'adoration de celui qui a créé les gens, ainsi que El Jizya. On peut trouver aussi dans la charte de l'ONU, page 5, dans le chapitre 1. Maintenir la paix et la sécurité internationale à cette fin. Prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix est réalisé par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix. 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix du monde. 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Observe bien ce qu'ils disent dans le premier article. En vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix est réalisé par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international. Ceci est une déclaration pour l'annulation du djihad et l'existence formelle que tout membre doit se soumettre à leur loi internationale qui ne peut être que le jugement du Tawhout. Observe aussi les deuxième et troisième articles concernant le développement de cette relation lorsqu'ils disent « encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Donc, il ne différencie pas celui qui adore le Seigneur de l'univers et celui qui adore les idoles, croix, vache, roche. Tous ont des droits et les membres de cette organisation doivent admettre tous ces textes vains. Et cela est explicite dans l'article 4 du chapitre 2, lorsqu'ils disent « peuvent devenir membres des Nations Unies ». Tout autre État pacifique qui accepte les obligations de la présente charte et au jugement de l'organisation sont capables de les remplir et disposés à le faire. Et dans l'article 6 du chapitre 2, si un membre de l'organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente charte, il peut être exclu de l'organisation par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Ceci est une déclaration qui comporte l'annulation du djihad et de la jizya, ainsi que el-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, et rend l'islam une religion territoriale et non mondiale. La déclaration stipule qu'en cas de combat, celui-ci se fera aux côtés des mécréants, sous la bannière des idolâtres, contre les monothéistes, les mouahidines. De même, dans le cas du jugement d'un litige, celui-ci aura lieu auprès de la Cour de justice internationale, comme ils le prétendent par le biais de la loi internationale. Tout ce que nous avons cité est de l'apostasie, et tout État membre de l'ONU est dans la mécréance claire à cause de la charte de cette organisation qui contredit l'Illallah. Ces contradictions peuvent être résumées par les points suivants. Premier point, se conformer aux lois. Lorsque l'on est membre de cette organisation, ceci fut déjà cité dans les articles 4 et 6. Deuxième point, l'égalité entre musulmans et mécréants vis-à-vis des devoirs et obligations. Cela annule, bien sûr, el-jizya. Ceci fut déjà cité dans l'article 1, troisième paragraphe. Troisième point, l'annulation de l'obligation de el-jihad. Ceci fut déjà cité dans l'article 1, premier paragraphe. Quatrième point, les décisions dans cette organisation sont celles de la majorité des membres, sans prendre en compte le jugement d'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on trouve cela dans l'article 18 du chapitre 4. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sont considérées comme questions importantes. Les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1. C'est de l'article 86, l'admission de nouveaux membres dans l'organisation, la suppression des droits et privilèges de membres, l'exclusion de membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaire. Cinquième point. Le Conseil de sécurité, qui est l'outil d'application des décisions de l'ONU afin de mener des actions militaires, se compose de 5 États de mécréance comme membres permanents. La Chine, France, Russie, Grande-Bretagne, États-Unis. Tout combat doit être sous leur commandement. L'article 23, paragraphe 1 dit. Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres de l'organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. 10 autres membres de l'organisation sont élus à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte en premier lieu de la contribution des membres de l'organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationale et autres fins de l'organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable. Et aussi dans les articles 46, 47, 48, on trouve que les combats doivent se faire sous la bannière des associateurs. Article 46. Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état-major. Article 47. Il est établi un comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationale, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel. Article 48. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale sont prises par tous les membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil. Le sixième point. Le rejet de El-Wale Wal-Bara, l'alliance et le désaveu. L'article 76 déclare à propos de ce sujet. Encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race et de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde. Septième point, s'engager à demander jugement auprès du Tarout. Et à ce propos, l'article 82 indique, la Cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un statut établi sur la base du statut de la Cour permanente de justice internationale et annexé à la présente charte dont il fait partie intégrante. L'article 94, premier paragraphe, dit également « Chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est parti. » Et tout cela contredit la religion islamique et la milla de At-Tawahid avec laquelle Allah a envoyé les prophètes. Allah a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Sourate 16, verset 36. Et sans le moindre doute, tous les États membres de l'ONU sont dans la grande mécréance à cause du jugement du Tarout, comme nous l'avons expliqué, de l'annulation du djihad et de la jizya, du ralliement aux mécréants, être avec eux contre les monothéistes, les mouahidines, de l'engagement à lever les bannières représentant leurs croix et idoles, leurs slogans officiels, leurs emblèmes nationaux ainsi que leurs déclarations ouvertes à leur engagement pour l'application de la charte de cette organisation et le vote pour les décisions internationales qui se réfèrent à la majorité comme jugement et non à Allah. Et ce même, s'il s'agit d'un vote dont le but est de permettre ce qu'Allah a interdit et d'interdire ce qu'Allah a permis, tel le combat des Juifs, ou faire la paix avec eux, ou combattre une force d'occupation. Ceci est une contradiction à l'islam aussi. De plus, tout État musulman qui combat dans le sentier d'Allah sera combattu par cette organisation, car ces nations se sont regroupées entre elles pour le respect des frontières qu'ils ont tracées et mettre au pied d'égalité les musulmans et les mécréants vis-à-vis des devoirs et obligations. Donc, ni El Jizya, ni le butin, ni esclave, et tout ceci fait partie de l'engagement des États membres, et celui qui ne tient pas son engagement sera combattu par cette organisation. En résumé, nous devons dire qu'un accord apparent ou caché par la charte de cette organisation est de la mécréance claire.